Mais le grand dérapage, à mon avis, est arrivé où t'en as eu. C'est l'Europe des 28. T'as intégré là-dedans des économies qui pouvaient pas suivre, alors que t'avais l'étalon français, l'étalon du marque de l'Espagne, le Portugal, des économies tout croche, la Grèce avec une improductivité et une corruption qui élevée. Pas les droits de l'homme non exact. Plus. Puis t'embarquais dans l'Europe. Puis là, tu devais traîner ces pays-là qui s'accrochaient exact. Après toi. C'était comme des pays de BS. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui a scrappé l'Europe. C'est ça qui a scrappé l'Europe, puis qui contribue aujourd'hui à la montée du Front national. Mais moi, j'établis aussi, puis je sais pas comment toi tu le vois, une différence entre le Front national. Moi, je pense que ce vote-là, c'est un vote anti-européen, c'est un vote europhobe. Oui. Mais la montée d'une extrême droite extrêmement raciste, ouvertement raciste, l'aube dorée en Grèce, où là, c'est carrément des fous, là, avec des croix écoute, gamines. En Allemagne, le premier député néo-nazi, ouvertement néo-nazi, d'un parti néo-nazi qui a été élu et qui va siéger au département au Parlement européen. Là, c'est ça, c'est vraiment la peste brune, les chemises ça, brunes. Oh oui. Le Front national, c'est qu'en Europe, premièrement, en France, le Parlement européen, c'est une patente à gosse. C'est des fonctionnaires, c'est des bureaux, c'est des gens qui blablabla. À Bruxelles, en plus, donc, Bruxelles qui est devenue une ville de fonctionnaires. Donc, très loin, les gens se sentent loin du pouvoir. Les gens n'ont pas de prise sur le pouvoir. Exactement. Et en même temps, il y a une question. Il va falloir que les partis, qui sont des partis de centre-droit ou de centre-gauche, il va falloir que les partis traditionnels aussi affrontent cette question-là, parce que là, ils n'en parlent pas. Là, ça commence, Richard. Là, la question, c'est la question aussi de l'immigration en France. Ouais. C'est une immigration qui est massive, qui est énorme, et ils n'ont pas les capacités économiques. On le sait, en France, c'est bloqué. Les jeunes n'ont pas de job. C'est bloqué. Ils n'ont pas les capacités économiques pour accepter tous les miséreux du monde. On voudrait bien que la France devienne le paquebot, soudainement, qui est en train de sauver tous les gens qui sont en train de se noyer à travers la planète. Ce n'est pas possible. Il y a une grosse crise chez la jeunesse française. Énorme. Ben, énorme crise. Et là, écoute, dans certaines banlieues en France, il y a un racisme anti-blanc, anti-français qui se développe. Et là, c'est pas le racisme contre les Arabes qui est inacceptable et totalement dégueulasse. Mais là, c'est que si t'es français de souche, mettons, blanc, catholique, tu te fais traiter de cocorico, de jambon-beurre, de bleu-blanc-rouge. Écoute, là, il y a des gens qui disent, c'est en train, là. On a peut-être dépassé une capacité qu'on est capable d'assumer. Est-ce que ça veut dire ce que tu es nécessairement nazi? Est-ce que ça veut dire que tu es nécessairement d'extrême droite? Moi, je crois pas ça. Pas en tout. C'est rien que tu te dis, écoute, je me reconnais plus, je sors dans mon village, puis c'est correct qu'on soit mêlé, puis tout ça, mais quand tu dis que tu es en train comme de... Tu te retrouves, tu as le sentiment d'être minoritaire dans ton propre pays. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'inconscient français. Et c'est ça que ça donne. Mais tant que les autres partis traditionnels les plus fréquentables ne parleront pas de ça, c'est comme s'ils poussent ces gens-là à voter pour des extrémistes, parce que ces extrémistes-là sont les seuls qui parlent de ce sujet-là. Dans ces quartiers-là que tu décris depuis quelques années déjà, il y a des quartiers carrément là, où tu appelles le 911, la police, ça vient pas, là. La police ne se présente pas dans des zones. Il y a un titre, là, il y a une expression, c'est des zones. Ouais, je sais. Elles ont été énumérées. On a fait un bloc à un moment donné dans Morel Live là-dessus. La police vient pas. Organise-toi. C'est quoi? C'est comme des c'est complètement abandonné, là. Oui, mais c'est trop dangereux. Dernièrement, c'est arrivé. On a carrément lancé des roches. Il y a eu un feu. Les pompiers sont arrivés pour nous lancer des roches aux pompiers. Donc, c'est ça. Il y a un problème, mais c'est certain que c'est surtout un problème économique, parce que quand tu as une puissance économique, quand ton économie va bien, tu accueilles plus facilement les gens. Et tu les intègres, ouais. Et tu les intègres et tu les accueilles mieux quand ça va bien. Je veux dire, quand tu es chez vous et tu as de la misère à manger, c'est certain que si le voisin veut manger avec toi, tu dis, regarde, là, j'ai de la misère à nourrir ma famille, à moi. Avant de nourrir tout le quartier, je vais m'occuper des miens avant. C'est un peu ça. Je veux dire, il y a un problème économique, plus il y a un problème d'identité nationale, puis la nation, c'est encore important chez les gens. Puis tu sais, te dire, on va te dérober, on va t'enlever ton sentiment d'appartenance, d'identité nationale, veut pas, ça fait qu'il y a comme le retour du refoulé, finalement. Est-ce qu'on a essayé de cacher en dessous du tapis, t'es en train de se montrer à Bine, de façon peut-être pas géniale, avec le Front national. Mais c'est ce qui arrive un peu en France. On y va avec le numéro 2. Number 2.